1884, mardi 11 mars. Il pleut. Ce n'est pas seulement cela, mais je vais mal. Tout ça est si injuste. Le ciel m'accable. Enfin, je suis encore en un âge où l'on trouve de l'ivresse même à mourir. Il me semble que personne n'aime autant tout que moi. Art, musique, peinture, livres, monde, robe, luxe, bruit, calme, rire, tristesse, mélancolie, blague, amour, froid, soleil. Toutes les saisons, tous les états atmosphériques, les plaines calmes de la Russie et les montagnes autour de Naples, la neige en hiver, les pluies d'automne, le printemps et ses folies, les tranquilles journées d'été et les belles nuits avec des étoiles brillantes. J'adore et j'admire tout. Tout se présente à moi sous des aspects intéressants ou sublimes. Je voudrais tout voir, tout avoir, tout embrasser. Me confondre avec tout et mourir, puisqu'il le faut, dans 2 ans ou dans 30 ans. Mourir avec extase pour expérimenter ce dernier mystère, cette fin de tout, ou ce commencement divin. Cet amour universel n'est pas une sensation de poitrinaire. J'ai toujours été ainsi, et je me souviens qu'il y a 10 ans juste j'écrivais, en 1874, après avoir énuméré les charmes des saisons diverses. En vain, je voudrais choisir, toutes les saisons sont belles, toute l'année, toute la vie. Il faut tout, le reste ne suffit pas. Il faut la nature, devant elle, tout est misérable. Enfin, tout dans la vie me plaît, je trouve tout agréable, et tout en demandant le bonheur, je me trouve heureuse d'être misérable. Mon corps pleure et crie, mais quelque chose qui est au-dessus de moi se réjouit de vivre quand même. Ce brave et bon Robert Fleury dîne ici ce soir. Il dit que mes gamins ont beaucoup gagné et qu'en somme, c'est sérieusement bien, et que ça comptera au salon. J'oublie de dire que mes gamins sont intitulés à un meeting. Vendredi 30 mai. Je trouve que je suis bien bête de ne pas m'occuper sérieusement de la seule chose qui en vaille la peine, de la seule chose qui donne tous les bonheurs, qui fasse oublier toutes les misères. L'amour, oui, l'amour, naturellement. Deux êtres qui s'aiment ont l'illusion de leur perfection absolue, morale et physique, morale surtout. Un être qui vous aime est juste, bon, loyal, généreux et prêt à accomplir les actions héroïques avec simplicité. Deux êtres qui s'aiment ont l'illusion d'un univers admirable et parfait, tel qu'on en rêvait des philosophes comme Aristote et moi. Et voilà, je crois, ce qui est la grande attraction de l'amour. En parenté, en amitié, dans le monde, partout, on découvre le bout de l'oreille des saletés humaines. Là, c'est un éclair de cupidité, là, de sottise, là, d'envie, de bassesse, d'injustice, d'infamie. Enfin, l'ami le meilleur a ses pensées cachées, et comme dit Maupassant, l'homme est toujours seul, car il est impossible de pénétrer dans les pensées intimes du meilleur ami qui est en face de lui. Il regarde et lui fait ses confidences sincères. Eh bien, l'amour accomplit le miracle du mélange des âmes. On s'illusionne, qu'importe. Ce qu'on croit être existe, c'est moi qui vous le dis. L'amour fait paraître le monde tel qu'il devrait être, si j'étais Dieu. Eh bien, alors? Mercredi 25 juin. Relisez mes cahiers de 1875, 1876 et 1877. Je me plains là de je ne sais quoi. Ce sont des aspirations vers quelque chose d'indéfini. Je reste meurtri et découragé tous les soirs, me dépensant à chercher quoi faire avec fureur et désespoir. Aller en Italie, rester à Paris, me marier, peindre, que devenir? En allant en Italie, je ne serais pas à Paris, et c'était une soif d'être partout, ce qu'il y a là de force. Homme, je reconquis l'Europe. Jeune fille, je me dissipais en excès de langage et en niaiserie excentrique. Misère. Il y a des moments où on se croit naïvement apte à tout. Si j'avais le temps, je sculpterais, j'écrirais, je serais musicienne. C'est un feu qui vous dévore, et la mort est au bout, inévitable, que je me consume en vain, désir ou non. Mais si je ne suis rien, si je ne dois rien être, pourquoi ces rêves de gloire depuis que je pense? Pourquoi ces aspirations folles vers les grandeurs que je me représentais d'abord comme des richesses, des titres? Pourquoi, dès que j'ai pu avoir 2 pensées l'une à la suite d'une autre, dès l'âge de 4 ans, le désir des choses glorieuses, grandes, confuses, mais immenses? Tout ce que j'étais dans ma tête d'enfant. D'abord j'étais danseuse, danseuse célèbre que Pétersbourg adore. Tous les soirs, je me faisais mettre une robe décolletée, des fleurs sur la tête, et je dansais dans le salon, très grave, pendant que toute la maison me regardait. Puis, j'étais la première chanteuse du monde. Je jouais de l'harpe en chantant, et on me portait en triomphe, je ne sais où ni qui. Puis, j'électrisais les masses par ma parole. L'empereur de Russie m'épousait pour se maintenir sur son trône. Je vivais en communion directe avec mon peuple. Je lui adressais des discours expliquant ma politique. Et souveraine et peuple s'attendrissaient aux larmes. Et j'ai aimé. L'homme aimé m'a trahi. Et s'il ne m'a pas trahi, il est mort d'un accident quelconque, d'une chute de cheval pour la plupart du temps, juste à l'instant où je sentais que je l'aimais moins. Alors j'en aimais un autre. Mais tout ça s'arrangeait toujours très bien, très moralement, puisqu'il mourait ou me trahissait. Je me consolais des morts, mais quand j'étais trahi, c'était un dégoût et un désespoir sans fin et ma mort. Enfin, en tout, dans toutes les branches, de tous les sentiments et de toutes les satisfactions humaines, j'ai rêvé plus grand que nature. Si ça ne se réalise pas, il vaut mieux mourir. Pourquoi mon tableau n'a-t-il pas eu de médaille? La médaille, c'est qu'ils ont dû penser, beaucoup d'entre eux, que je m'étais fait aider. Il est déjà arrivé qu'on a donné des médailles aux femmes qui s'étaient fait faire leur tableau, et une fois la médaille donnée, on est admis de droit l'année suivante, et on peut envoyer les plus plates horreurs. Et moi, jeune, élégante et citée dans les journaux, tous ces gens sont les mêmes. Breslau, par exemple, elle a dit à mon modèle que j'aurais bien plus de talent si j'allais moins au bal. Tous ces gens-là s'imaginent que je vais tous les soirs dans le monde. Comme les apparences sont trompeuses. Seulement supposer que le tableau n'est pas de moi, c'est trop grave. On ne l'a pas dit, plutôt au ciel. Tony Robert Fleury m'a dit qu'il a été étonné du résultat. Car chaque fois qu'il parlait de moi à ses collègues du jury, on lui répondait « C'est très bien, c'est une chose très intéressante. » « Que voulez-vous qu'on pense quand on dit ça ?» demande Robert Fleury. « Alors, c'est ce doute. » Mercredi 1er octobre. Tant de dégoût et tant de tristesse. À quoi bon écrire ? Ma tante est partie pour la Russie lundi. Elle arrivera à 1h du matin. Bastien Lepage va de mal en pis. Et je ne peux pas travailler. Mon tableau ne sera pas fait. Voilà, voilà, voilà. Il s'en va et il souffre beaucoup. Quand on est là, on se détache de la terre. Il plane déjà au-dessus de nous. Il y a des jours où je me sens ainsi. On voit les gens, ils vous parlent, on répond, mais on n'est plus à la terre. Une indifférence tranquille, pas douloureuse, un peu comme un rêve à l'opium. Enfin, il meurt. Je n'y vais que par habitude. C'est son ombre. Moi aussi, je suis ombre à demi. À quoi bon? Il ne sent pas particulièrement ma présence. Je suis inutile. Je n'ai pas le don de ranimer ses yeux. Il est content de me voir, c'est tout. Oui, il meurt et cela m'est égal. Je ne me rends pas compte. C'est quelque chose qui s'en va. Tout est fini, du reste. Tout est fini. On m'enterra en 1885. Jeudi 16 octobre. J'ai des fièvres terribles qui m'épuisent. Je passe toute la journée au salon, changeant de fauteuil et de canapé. Dinah me lit des romans. Potin est venu hier. Il viendra encore demain. Cet homme n'a plus besoin d'argent. Et s'il vient plusieurs fois, c'est qu'il s'intéresse un peu à moi. Je ne peux pas sortir du tout. Mais ce pauvre Bastien Lepage sort. Alors il se fait porter ici, s'installe dans un fauteuil, les jambes allongées sur des coussins. Moi, tout près dans un autre fauteuil, et comme ça jusqu'à 6 heures. Je suis habillé d'un fouillis de dentelle, de peluche, tout ça est blanc, mais de blanc d'hiver. L'œil de Bastien Lepage s'en dilate de plaisir. « Oh, si je pouvais peindre, » dit-il. « Et moi ?» Fini le tableau de cette année. Ainsi s'achèvent les extraits du journal de Marie Bashkirtseff.